Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, Frida Kahlo et Léon Trotsky. Viva la vida, vive la vie. Ces mots gravés en majuscules dans une pastèque rouge sang, sur une toile peinte peu de temps avant sa mort, donnent la mesure, ou l'immesure peut-être, de Frida Kahlo. Cette artiste hors norme, hantée dès l'enfance par la maladie et la mort, et aimant passionnément la vie. L'amour, l'art, la politique, le sexe, tout. Frida Kahlo était fascinante. Très belle, de grands yeux noirs, surlignés d'une barre de sourcils qui semble nous dire « je suis poilue et alors ?» D'une élégance recherchée, robe colorée mexicaine, bijoux somptueux, féminine et androgyne, elle jurait comme un charretier, draguait hommes et femmes jusque sur son lit d'hôpital, et surtout, elle peignait comme personne. On imagine le choc éprouvé par Léon Trotsky quand en 1937, il est accueilli au Mexique par Diego Rivera et son épouse Frida Kahlo. À la Casa Azul, au milieu des singes et des perroquets, une étonnante passion-amitié va naître entre la jeune artiste mexicaine et le vieux révolutionnaire russe pourchassé par Staline. C'est cette histoire que je vais raconter ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Gérard de Cortanze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, romancier, auteur de nombreuses biographies, notamment de Frida Kahlo, à laquelle vous avez consacré plusieurs livres, je les citerai tout à l'heure. Et c'est vous qui avez signé la fiction, qu'on va entendre dans quelques minutes. Donc cette histoire que je vais raconter commence en janvier 1937, au moment où Frida Kahlo et Diego Rivera reçoivent chez eux Trotsky avec sa femme, Natalia Sedova. Frida, alors 30 ans, qui est-elle à ce moment-là? Elle est assez peu connue en tant que peintre, il n'y a pratiquement pas d'exposition, et elle est vraiment étouffée par la personne de Diego Rivera, qui est un peu mis sur la touche à l'époque, elle a des problèmes avec le Parti communiste, avec le pouvoir au Mexique, mais ça reste un immense peintre muraliste, hein, qui a des œuvres qui ont été commandées dans le monde entier. Donc elle essaie d'exister à côté de ce grand peintre. Elle peint des petits formats. Qui est immense en tous les sens du terme. Hein. Oui, c'est quelqu'un d'assez monstrueux, volumineux, excessif. C'est un personnage tout à fait étonnant. Moi, je n'aime pas du tout la relation qu'il entretient avec Frida Kahlo, mais ça, c'est un point de vue personnel. Ah bon. Frida, donc, elle a 30 ans, mais ça fait un certain nombre d'années qu'elle peint. Elle a eu une enfance assez compliquée, marquée très jeune par la maladie et par un accident qui va changer le cours de sa vie et son destin. Même. Absolument. Alors, elle a eu cet accident de tramway. Il y a eu 35 opérations. Oui, un terrible accident d'autobus. Terrible accident d'autobus. On pensait qu'elle allait mourir. Enfin, elle était traversée par une barre de fer. Par une barre de fer, c'est ça, avec cette histoire qui rejoint un peu le mythe, puisque il faisait très chaud, elle était très très peu habillée, et la robe est partie dans l'accident, elle s'est retrouvée pratiquement nue. Il y avait à côté d'elle un peintre en bâtiment, qui avait un pot de peinture, la peinture dorée, et elle était entièrement recouverte de peinture dorée, et on disait la ballerine, la danseuse, ça c'est la mythologie, c'est en même temps la réalité. Mais c'est vrai qu'elle a dû, lutter contre la maladie, contre les interventions chirurgicales, mais en même temps, je crois que ce n'est pas l'image qu'il faut retenir d'elle. L'image qu'il faut retenir d'elle, c'est plutôt quelqu'un qui aime passionnément la vie. Oui, elle aime passionnément la vie et justement, c'est sur son lit de convalescence qu'elle va découvrir la peinture. On lui donne une boîte de couleurs, des pinceaux et c'est là qu'elle se peint elle-même avec un miroir. Elle va devenir son meilleur sujet. Oui, meilleur sujet dans la mesure où il y a à peu près 240 toiles qu'on a retrouvées, qui ont été conservées. Sur les 240, il y a 80 autoportraits. Ce qu'il faut tout de suite indiquer, c'est que son rapport à la peinture ne sort pas n'est pas de nulle part. Elle a une très bonne connaissance de l'histoire de la peinture. Ça, il faut quand même le dire. Il y a des références. Oui, c'est pas une autodidacte. Picturale. C'est pas du tout une autodidacte. Ce que beaucoup pensent et que certains ont essayé de laisser entendre. Mais bien entendu, elle utilise dans sa peinture à la fois ce qu'elle a appris à l'école, différentes écoles d'art par lesquelles elle est passée, et en même temps, il y a tout le fond mexicain. Il faut replacer ça dans l'époque. Hein. La révolution mexicaine a eu lieu depuis déjà un certain temps. Il y a toutes les retombées intellectuelles, économiques, dogmatiques aussi de cette révolution sur la vie des gens. Et elle appartient à une génération qui est née avec cette révolution, qui est née aussi de cette révolution. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont voulu changer la vie au Mexique et qui l'ont véritablement changé. C'est-à-dire que la culture, par exemple, l'enseignement a été apporté aux classes populaires et aux paysans. C'est aussi une révolution qui a dit aux Mexicains, vous avez un passé qui vous appartient, un passé folklorique, un passé musical, un passé historique. Tout le passé aztèque n'avait jamais été mis en valeur, il est remis en valeur par la révolution. Sa peinture naît de tout ça. Et Diego Rivera et Frida Kahlo, d'ailleurs, sont très proches du Parti communiste. Ils sont même membres du Parti communiste. Et c'est sans doute ce qui explique qu'en 1937, ils vont accueillir Léon Trotsky. Qui est-il, Trotsky, à ce moment-là? Alors, juste une petite précision. Diego Rivera n'est plus membre du Parti communiste à l'époque. Il en a été exclu. Mais pour répondre à la question de Trotsky, tout simplement, Diego, qui reste très proche du président de la République mexicaine de l'époque, fait venir Trotsky. C'est grâce à l'intervention de Diego que Trotsky et sa femme peuvent enfin trouver une terre d'asile, c'est très important, et le Mexique à l'époque est une terre profondément d'asile pour l'Europe qui est sous la botte du fascisme. Hein. C'est un pays qui accueille des exilés politiques. Trotsky en fait partie. Trotsky, qui est donc un des hommes forts de la révolution d'octobre en Russie. C'est un des grands personnages, c'est un monument historique, c'est le père de l'armée rouge. Il a créé l'armée rouge, 5 millions d'hommes, mais lui et sa femme sont en exil depuis 1924. C'est-à-dire ils traversent toute l'Europe, ils sont rejetés de tous les pays d'Europe, et là, ils arrivent par bateau de Norvège, et il faut imaginer au fond ces gens qui ont fui, qui viennent de la Russie, et qui tombent sur le Mexique, c'est-à-dire la luxuriance, la beauté, la musique, les couleurs. Ils le disent d'ailleurs, c'est le paradis sur Terre. C'est donc cette histoire que nous allons écouter maintenant. Gérard de Cortanze, on reprend cette discussion tout à l'heure. Tout de suite, Frida Kahlo et Léon Trotsky, un texte écrit par vous, Gérard de Cortanze, spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Sophie Haute-Picon. On ne peut pas dire que je me sente bien. Ce voyage à New York, une ville de merde, trop con ces Américains. Côté cul, j'ai compté en quelques mois une quinzaine de liaisons. Des hommes et des femmes. Je n'arriverai jamais à me décider. J'aime les deux, c'est comme ça. En fait, je ne sais plus où j'en suis. Heureusement, il y a Mexico. Je me suis installée dans la maison de l'avenue de Los Insurgentes. Je peins, du matin au soir. Sans la peinture, je n'existerais pas. Parce que ma santé, toujours aussi merdique. Ça fait 3 fois que je me fais opérer du pied droit. Et ma colonne vertébrale me fait atrocement souffrir. Mais bon, je suis encore en vie. Il me manque juste un nouvel amour. Ce 9 janvier 1937, Frida Kahlo, qui n'a pas encore 30 ans, et Diego Rivera, son mari, qui en a 50, accueillent dans la célèbre Casa Azul Léon et Natalia Trotsky. Depuis leur bannissement d'Union soviétique, ces derniers mènent une vie d'errance à travers le monde. C'est grâce à l'intervention de Diego que le président de la République mexicaine, Lázaro Cárdenas, a décidé de leur accorder l'asile politique, à une condition, qu'ils ne se livrent à aucune activité politique. Diego, connu comme le plus grand peintre muraliste de son temps, exclu du Parti communiste mexicain, occupe dans son propre pays une position très inconfortable. Quant à Frida, bien que n'ayant pratiquement jamais exposé, elle attire sur elle tous les regards. Très belle, elle porte le costume national mexicain, aime le vin, le sexe, jure comme un charretier et est douée d'une vitalité hors du commun. Camarade Trotsky, le chef de l'armée rouge est sous notre toit. Bienvenidos. Le compagnon de Lénine. Ah, Rivera. Mon ami, mon sauveur, vous nous avez rendu notre dignité, notre liberté. Et vous, Frida, vous êtes bien Frida, n'est-ce pas? Frida, pas de doute possible. Pas de doute possible, en effet. Et vous, Natalia? Natalia, oui. Vous voulez un verre? Pas si vrai. Le voyage, tout s'est bien passé? Pas trop éprouvant? Ça fait 10 ans qu'on erre à travers le monde, comme des bêtes traquées. Alors vous savez, ce n'est pas 20 jours de traversée, même à bord d'un pétrolier qui ont pu nous briser. Tout nous paraît neuf ici. Quelle jolie maison! Quel joli jardin! Oui. Toutes ces couleurs, toutes ces fleurs! Oh, cet arbre! Magnifique! Un jacaranda! Ah, jacaranda, si! Des chats, des chiens, un perroquet. C'est l'arche de Noé. Qui nous sauvera de la mort. Soyez ici, comme chez vous. Et préparez-vous à vivre à l'heure mexicaine. À table. Tout ce bonheur ne doit pas faire oublier la réalité. Il a été convenu que des policiers stationneraient devant la maison durant la journée et qu'une garde privée prendrait la relève pour la nuit. En tout, 30 hommes armés. Les Rivera, eux, vivent dans le quartier de San Angel. Deux constructions cubiques qui se font face, réunies par une passerelle. La plus grande, de couleur rose, celle de Diego. La plus petite, de couleur bleue, l'atelier de Frida. Parfois, elles se retrouvent au petit déjeuner et se parlent, mais de plus en plus rarement. Merci. Alors, qu'est-ce que tu penses de nos deux invités? C'est difficile. Je suis persuadée que Natalia a une vie plus intéressante qu'il n'y paraît. C'est une vraie militante politique. Je crois que sans elle, Léon ne serait pas arrivé à grand-chose. Allez, la rengaine qui recommence. C'est toujours pareil. Les femmes finissent toujours par s'effacer devant leur grand homme. Pas moi, jamais. Ça, je le sais. Inutile de me le dire. Et Léon, t'en penses quoi? C'est idiot. Je m'attendais à un monument historique. C'en est un, c'est vrai. Mais je dois avouer qu'il ne m'est pas indifférent. Indépendamment de la révolution russe, je veux dire. Il fait du cheval, il est grand, je suis sûre qu'au lit... Oh, c'est malin. Ouais, puis je sais pas. Mais en fait, j'ai pas mal de problèmes à régler. Futile, je suppose. Quelle condescendance! Le grand peintre, c'est toi, c'est ça? Rien n'est jamais futile dans la vie, Diego. Alors, tes grandes affaires à régler? Je voudrais acheter 2 perroquets, me payer un costume de Tijuana et... Et quoi? Et rien, Diego, rien. Allez, je vais dans mon atelier travailler. C'est ça. Fuis Frida et ses questions. Ciao. Et son mal-être. C'est affreux, on n'a plus rien à se dire. Peut-être qu'il faudrait qu'on divorce. Ça serait mieux. La seule chose positive dans tout ça, c'est la peinture. Je voulais lui en parler, mais ça ne sert à rien. Hier, j'ai commencé une nouvelle toile. Un portrait de mon médecin, le docteur Eloesser. Pas mal du tout. C'est fini les tableaux foireux. Quand je fais un tableau très laid, ça me rend trop triste. Et là, je suis heureuse. C'est bizarre. J'ai l'impression que je pourrais de nouveau tomber amoureuse. De Léon, pourquoi pas? Lentement, la vie s'organise. Plutôt que de se promener dans les rues de Coyoacán, Diego et Frida proposent à leurs hôtes des excursions dans la région. Un rituel immuable est institué. Après que la police ait été avertie, le départ est organisé dans la plus grande discrétion. 2 voitures sont préparées. On remplit des valises de vêtements... On entasse des provisions dans des paniers, les gardes armés garnissent leurs poches de cartouches, puis le convoi démarre. Où va-t-on? À Cuernavaca, la corne de vache, l'une des plus anciennes villes du pays. Tu vas pouvoir compléter ta collection de cactus. Un coin à espèces rares. Plein d'immenses phallus, dressés vers le ciel. Le rêve. Et les jours suivants, à Taxco, tu pourras y faire de longues promenades de cheval. Et se mettre garde, puisque c'est ton sport favori. Le paradis sur terre. Du vin, un cheval, des cactus, l'amitié. Que demander de plus? Mais ce que les deux couples préfèrent, ce sont les dîners préparés par Frida, qui fait découvrir à ses amis la cuisine et les alcools mexicains. Vous m'en direz des nouvelles, hein. Soupe de haricots noirs, salade de figues de Barbarie et jambon rôti au chiles. Pour finir, glace à la noix de coco. Et pour bien picoler, tequila añejo, bouteille de calafia rouge et la liqueur de bacanol. De quoi passer sous la table. Je suppose que tu es content. Oh, quel bonheur! Tu as changé, Léon. J'ai l'impression que depuis que nous sommes ici, tu as tout oublié de la Révolution. On dirait un bourgeois. Oh, oh. Insulte suprême! Reproche-moi d'être juif aussi, comme les torchons communistes mexicains pro-staliniens. Est-ce que tu peux être idiot parfois? Je préfère mettre ça sur le compte de tout l'alcool que tu as bu ce soir. Oh. Ou des piments que notre belle hôtesse met partout, partout, partout. Ah, notre belle hôtesse. Voilà, nous y sommes. Tu n'as rien compris, Natalia. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre. J'ai l'impression que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Que des tueurs sont cachés derrière chaque arbre. Regarde par les fenêtres, tu verras. Qui t'a trompé, Natalia, c'est ça? Et les camarades de la 4e internationale. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que tu as envie de coucher avec Frida. Oh. Oh. Tu n'as pas cessé de la dévorer des yeux de la soirée. Et tu parles en anglais avec elle, parce que tu sais que je ne vais rien comprendre. Tu veux qu'on se fasse expulser du Mexique? Nos ennemis n'attendent que ça. Que tu fasses un faux pas. Oh, Natalochka. L'amour est le socle de toute la vie. Ma devise, l'amour donne autant de temps qu'il donne du plaisir. J'ai eu beaucoup de relations sexuelles, mais j'ai rarement été amoureuse. Et je sens bien que je suis en train de tomber amoureuse de Léon. Hier, à la fin du dîner, il m'a parlé en anglais. Il m'a dit « All my love ». J'ai répondu « My love ». C'est venu comme ça. J'ai l'impression qu'il me parlait en anglais pour que Natalia ne comprenne pas ce qu'il disait. Je n'aurais peut-être pas dû répondre, mais c'était plus fort que moi. Dans les semaines qui suivent, Frida et Léon se voient fréquemment. Frida aime venir rue Allende où Léon la reçoit dans son bureau. À d'autres moments, ils se promènent dans les rues de Coyoacán, s'amusent à semer les gardes du corps, vont au cinéma, dînent dans les bars chinois du quartier. L'après-midi, ils se gavent de tortillas de maïs garnies de fromage et de couenne de porc. Plus rarement, Léon retrouve Frida chez elle. Il est séduit par cette femme libre et provocatrice. Parfois, elle lui dévoile ses toiles, un privilège rare. Au fur et à mesure de leur rencontre, Trotsky assiste au désarroi de Frida, qui lui fait des confidences. Ce sont les infidélités répétées de Diego et les blessures qu'elles engendrent qui l'ont jeté dans ses bras. Tu es un sacré étalon, Barbichette. Ça fait longtemps que... Que tu n'as pas baisé comme ça? Je ne sais pas si je formulerai la chose de cette façon. Évidemment, non. C'est Frida qui parle comme ça, pas le camarade Trotsky. Tu es un ouragan, Frida. Pas si simple. En réalité, je suis inquiète. Inquiète? Inquiète que tout ça s'arrête. Qu'on vienne te tuer. Tu sais, il y a deux Mexiques. En surface, la joie, le bonheur. Mais sous terre, la mort, la violence, le désespoir, le sang. Nos dieux aztèques sont doubles. Lumière et ténèbres à la fois. Et tout peut basculer en un instant. Tu n'as pas le droit d'être pessimiste, Frida. Pas toi. Pas maintenant. J'avais raison d'avoir peur. La presse communiste se déchaîne contre Léon. Il n'y aura ni trêve ni repos tant que ce déchet de Lev Davidovitch Bronstein ne sera pas expulsé. Ce cafard, ce traître, il faut l'éliminer. Que vient faire au Mexique ce juif errant qu'il retourne chez lui? Ce n'est pas le pire. Les procès de Moscou ont recommencé. On accuse Léon d'avoir tenté d'assassiner Staline et signé un accord secret avec Hitler et l'empereur du Japon afin de chercher à précipiter la guerre pour reprendre le pouvoir en Russie. Estimant qu'un homme ne peut pas être condamné sans avoir la possibilité de se défendre, un comité pour la défense de Léon Trotsky se réunit. Pendant une semaine, la Casa Azul est transformée en bunker. Durant ces jours sinistres, les deux amants ne peuvent plus se retrouver. Un jour, Léon, n'en pouvant plus, trompe la vigilance de ses gardiens et rejoint Frida. Tu es fou ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'es pas contente de me voir ? Ce n'est pas ça. Barbichette, tu te rends compte du danger ? J'en pouvais plus. J'avais besoin de te... Tu veux baiser, c'est ça ? Oui. Non. Enfin, oui. Alors quoi ? Avec toi, je vis, je respire, j'existe. Mmh. Allons nous promener. C'est jour de marché. Tant pis pour la prudence. Il y aura de la musique, du bruit, des couleurs. On va se bourrer d'empanadas. Le comité de défense terminé, Léon et Frida peuvent se revoir régulièrement. Pour correspondre, ils utilisent un subterfuge inventé par Léon, glisser des billets dans les livres qu'il se prête. Il fait le mur, grimpe sur des échelles, se déguise, invente des mensonges d'adolescents pour retrouver Frida dans des lieux improbables. Ses ennemis ont-ils compris que l'amoureux transi perd tout sens de la mesure ? Mon pauvre Trotsky. Ouh, quand tu m'appelles Trotsky, c'est que rien ne va plus. C'est vraiment le moment de faire de l'ironie. Tu as lu les journaux comme moi. Tu as vu ce qui est écrit. Ils veulent ta peau, Léon. Tu comprends ? C'est ça qu'ils veulent. Te liquider. Qui veut me liquider, Natalia ? Tu sais très bien. La police secrète russe, les communistes mexicains, les espions américains qui pensent que l'Amérique du Sud leur appartient. Et qui est à la tête de la bande de tueurs ? David Alfaro Siqueiros, l'ennemi personnel de Diego. Il a assassiné de ses propres mains des dizaines de militants anarchistes pendant la guerre d'Espagne. Tu veux faire partie de ces trophées ? Ne vois pas tout en noir, Natalia. Évidemment. Tu préfères faire le joli cœur avec Frida. Oh, pourquoi dis-tu des choses pareilles ? Tu crois que je suis aveugle ? Tu n'as jamais su mentir, Léon. Enfin, pour les choses du cœur, car en politique, ça... Le mensonge, tu connais. Bon, écoute, plutôt que d'entendre des âneries pareilles, je préfère aller travailler dans mon bureau. Non, Léon. Tu pars maintenant, tout de suite. Pour San Miguel Regla. San Miguel Regla ? Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une hacienda à 130 km au nord de Mexico. Pour l'instant, ici, c'est trop dangereux pour toi. Tu pars avec 8 hommes. 8 autres t'attendent là-bas. Je n'ai pas mis longtemps à savoir où Léon était caché. Le jour où j'ai appris son départ, j'étais en train de peindre ma nourrice et moi. Je me suis représentée sous l'apparence d'un bébé avec une tête d'adulte, allaité par une indienne à la peau sombre. Le lait tombe de ses tétons comme du ciel. Ma nourrice me disait que la pluie, c'était le lait de la Vierge qui tombait du ciel. Encore un truc sur lequel les exégètes vont raconter des âneries. Enfin, il est un peu triste mon tableau. Faut reconnaître. C'est aussi pour ça que j'ai filé voir Léon. Pour fuir les choses tristes. Ici, en pleine campagne, on fait l'amour. Et l'amour ne fait de mal à personne, au contraire. Même quand je suis très malade, ou que je dois rentrer à l'hôpital, ou que j'en sors. J'ai compté... J'ai dû subir une vingtaine d'opérations. La merde, tout de même. Eh bien, même avec tout ça, j'ai continué à faire l'amour. Natalia écrit à Léon 2 fois par jour. Dans un premier temps, Frida n'y fait pas beaucoup attention. D'ailleurs, Léon lui assure qu'il n'y répond pas. À l'hacienda, la vie est douce. Frida et Léon chantent et dansent en buvant du pulque. Parfois, Frida se dit qu'elle n'a peut-être jamais été aussi heureuse. Elle trouve même le moyen de dessiner. Jusqu'au jour où elle découvre 2 lettres sur le bureau de Léon qui les a oubliées avant d'aller se coucher. La première lui est adressée. 9 pages larmoyantes dans lesquelles il l'implore de ne pas briser leur histoire. Frida ne comprend rien. La réponse, elle l'aura dans la 2e lettre, destinée à Natalia et abandonnée, elle aussi, sur le grand papier buvard du bureau. Natalia, Depuis que je suis arrivé ici, ma pauvre bite n'a pas bandé une seule fois. Mais je pense avec tendresse à votre vieux conchéri. Je veux le sucer et enfoncer ma langue. Ma pauvre bite n'a pas bandé une seule fois. Matalochka, chérie, je vous pénétrerai encore bien fort avec ma langue et avec ma bite. Pardonnez-moi, Natalochka. Je crois la première fois de ma vie que je vous écris ainsi. C'est, je crois, je vous embrasse bien fort en serrant tout votre corps contre moi. Frida. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais t'expliquer, mon amour. Il n'y a rien à expliquer. Je ne suis plus ton amour. Mais Fridoucha... Ne m'appelle pas comme ça. C'est Diego qui m'appelle comme ça, pas toi. Frida, toute relation amoureuse... Tais-toi, je m'en vais. Je retourne à Mexico. Je ne veux plus te voir. Tu me fatigues, le vieux. Bien entendu, dans les semaines qui suivent, Léon et Frida se revoient. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Frida se console très vite de sa rupture dans les bras du garde du secrétaire de Trotsky, un clone de Jean Marais. La seconde, c'est que Natalia, sortant vainqueur de l'épreuve, peut se montrer magnanime. Mais c'est surtout un troisième événement qui va rapprocher cette famille que forment Diego, Frida, Natalia et Léon. La venue d'André Breton, qui veut rédiger avec Trotsky et Rivera un manifeste pour un art révolutionnaire indépendant. Diego a raison. Ahora empiezan las cosas serias. Si commencent les choses sérieuses. Nuestra realidad, notre réalité, celle de nos rêves et de nos songes. Les pique-niques sont joyeux. Pour dormir, on trouve des petits hôtels. Les soirées sont alcoolisées. Parfois même, on va au cinéma dans un petit village perdu. Alors, Trotsky se cache sous un châle et regarde un film, Le Dictateur, par exemple. Souvent, les femmes, lassées par les discussions sur le statut de l'art avant et après la Révolution, en profitent pour jouer aux cartes, écumer les marchés, se promener dans les villages, enfin, fumer en paix et se maquiller, deux activités que ne supporte pas Trotsky. Les femmes ne doivent pas fumer. C'est inélégant. Ni se maquiller. C'est une perte de temps. En réalité, je ne supporte pas Breton. Il est là à pontifier du matin au soir, à me dire qu'il m'accepte dans son grand mouvement révolutionnaire, comme si le Mexique l'avait attendu pour être surréaliste. Allez me dire que mon art est comme un ruban autour d'une bombe. Il ne comprend rien à ma peinture. Ce que je voudrais, moi, c'est que ma peinture soit digne du peuple qui est le mien, le peuple mexicain, et contribue à la lutte pour la paix et la liberté. Voilà, c'est tout. Quel idiot! En plus, il ment comme il respire. Lors d'une de nos balades, on s'est arrêté dans une église, et là, il a fait une chose incroyable. Qu'est-ce que vous avez dans votre poche, André? Des ex-voto. C'est du vol, André. Ah, pas du tout, mon cher. C'est une participation à la culture surréaliste. Un geste artistique. Chut, enfin, André, vous volez le peuple. Le peuple n'en saura rien. Le peuple s'en fout. Je viens d'accomplir un geste profondément anticlérical. À bas les curés. Au Mexique, les biens ecclésiastiques appartiennent à l'État. Ce n'est pas l'Église que vous venez de voler, c'est le peuple. Et alors, le surréalisme se doit de ne rien respecter. Vous imaginez le scandale? Trotsky et ses amis attentent au patrimoine national. La révolution du prolétariat mondial doit... Laissez le prolétariat là où il est. Et ne touchez pas à la révolution. Vous allez salir votre beau costume. L'écriture du manifeste avance tant bien que mal. Frida ne supporte vraiment pas ce pape du surréalisme. Et pourtant, quand il part et qu'il lui propose d'organiser une exposition à Paris, l'hiver 1939, elle accepte. Elle y reste plusieurs mois, et quand elle revient à Mexico... Hola. Ah, Fridoucha. Oh, c'est pas mal. Alors, c'était comment? Un vrai succès. Ils étaient tous là. Kandinsky, Picasso, oh. Ernst... On a aimé ton travail, tu crois? Enfin, ce que j'ai pu exposer. Tu avais pris Vincent Antoine, non? Oui. Mais le galeriste qui n'expose que des surréalistes m'en a fait décrocher plusieurs. Trop indécente. Trop scandaleuse. C'est pas possible. Trop osée, l'étoile de ta Fridoucha. Trop provocante, l'étoile de la Mexicaine, pour ces petits surréalistes français. Je ne veux plus jamais en entendre parler de ces culs serrés. Alors, un échec. Tu regrettes? Le Louvre m'a acheté une toile. Le cadre. Non. Si. Parle-moi un peu d'ici. Léon va bien? Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Et la première chose que tu me demandes, ce sont des nouvelles de Léon? Mais alors, tu ne vas tout de même pas être jaloux? En France, tout le monde voulait avoir des nouvelles de Léon. Il est parti. Parti? Oui. Il a quitté la Casa Azul. Il a déménagé. Pourquoi? Des accords idéologiques fondamentaux avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas une histoire. C'est de l'histoire, de la politique. Située à la périphérie de Coyoacán, la maison où Trotsky s'est installé avec Natalia, ses secrétaires, ses domestiques et ses gardes du corps, sans oublier ses deux chiens, ses lapins, ses poules et ses cactus, est une villa de campagne entourée d'un haut mur de béton, flanquée de deux tours crénelées et dotée d'une lourde porte blindée. Ce portail, ses murailles sévères, ses tours sinistres, abritant des mitrailleuses, donnent à la maison l'aspect d'une forteresse. L'explication donnée par Trotsky est très différente de celle avancée par Diego. Le 2 novembre, jour des défunts, Diego est venu me voir. Il avait sa tête des mauvais jours. Sa tête de sale gamin qui prépare un mauvais coup? Il m'a offert un paquet en me disant que c'était un cadeau, précieux. On aurait dit qu'il portait le Saint-Sacrement. Il adore faire de mauvaises blagues. Celle-là ne m'a pas fait rire du tout. Une grosse tête de mort violette, sur le front de laquelle, inscrit au sucre blanc, on pouvait lire le mot « Staline ». Et ce salaud qui éclate d'un rire énorme et qui me tape dans le dos et qui s'en va aussi vite qu'il est venu. Et me laisse seul avec cette horreur. Inutile de te dire qu'à peine ton cher mari parti, j'ai détruit cette foutue tête de mort à coups de pied et pris la décision de partir de la Casa Azul. Mais ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Il avait enfin compris que nous avions eu une liaison. Lui, jaloux comme un jaguar, il lui a fallu un an pour comprendre. Tu vois, il n'y a rien d'idéologique là-dedans. Quelle peine que de voir mon viejo si seul et si triste. Je commence à avoir peur. Est-il vraiment si bien protégé que cela? Je dois réagir. Arrêter de picoler comme je le fais. Et je vais prendre trois grandes décisions. Retourner vivre seul à la Casa Azul, divorcer, et puis évidemment peindre. Peindre, peindre. J'ai commencé deux grandes toiles. Ce que l'eau m'a donné, ce conte breton dirait que c'est surréaliste. Et deux nus dans la forêt. Une belle toile, sensuelle. Personne ne saura jamais que je l'ai peinte en pensant au corps de Jacqueline. La femme d'André? Oui. La femme du pape du surréalisme. Tu l'as... Oui, j'ai baisé la femme du pape à Paris. Pourquoi? Mon pauvre Diego, tu n'y connais vraiment rien aux femmes. Ah bon, c'est nouveau. Bah oui, c'est comme ça. Tu n'y connais rien à la psychologie féminine. Et pourquoi tu as couché avec Jacqueline? Pour me venger des conneries que Breton avait écrites à mon sujet dans le catalogue de mon exposition. Ah. C'est comme une nouvelle vie qui commence. Frida est presque heureuse. Elle peut faire ce qu'elle veut. Boire, faire l'amour, passer des heures à se promener dans le jardin, cuisiner, lire, rêver, jouer avec sa ménagerie et peindre, bien sûr. Elle peint intensément. Les deux Frida, quatre habitants de Mexico, cœur, souvenirs de la plaie ouverte. Ainsi que des natures mortes, qu'elle appelle des natures vives. Les fruits de la terre, fruits de cactus, la pastèque et la mort. Régulièrement, elle va voir Léon. Tu es armé jusqu'aux dents? Oui. Un automatique de calibre 25 et un Colt 38. Ça rassure Natalia. Alors, ta nouvelle vie ici? Mortelle. Réglée comme une pendule. Levée à 6 heures du matin. Je commence toujours par nettoyer l'enclos des lapins et des poules. Puis je gagne mon bureau où je travaille jusqu'au petit déjeuner. Ensuite? Je retourne m'occuper de mes animaux. Les lapins et les poules ont remplacé les 5 millions d'hommes de l'armée rouge? Oui, oh, ce n'est pas drôle, Frida. Excuse-moi, je ne voulais pas te blesser. Tu me connais? Oui. Enfin, je crois. Après, mon Léon? Je déjeune, puis je fais la sieste. Je reçois des visiteurs, je nourris mes bêtes... Oh. Je retravaille jusqu'au dîner. La routine. L'ennui. Le paradis est devenu un enfer. Un bruit court dans la presse communiste mexicaine. ça ne vaut plus la peine de tuer Trotsky puisqu'il est déjà politiquement mort. Frida est la seule à se réjouir, à penser que les tueurs lancés aux trousses de Trotsky vont baisser les bras. Mais le 24 mai 1940... Léon ? Oui, c'est toi, Frida ? Je ne peux pas sortir de chez moi. Moi non plus, la police est partout. Il y a des blessés ? Des morts ? Non, tout le monde est en vie. On a une idée de qui a fait le coup ? Pas vraiment. Une vingtaine d'hommes en uniforme de l'armée mexicaine ont investi la villa, ils nous ont tiré dessus, ils ont lancé des grenades et puis ils sont partis. La police prétend que c'est un faux attentat, que c'est moi qui ai tout manigancé. Dans quel but ? C'est absurde. Ça prend les communistes mexicains pour des terroristes. Tu sais qu'ils soupçonnent Diego ? Il n'est même pas capable de tenir un flingue. Et qu'est-ce qu'il en pense, ton muraliste ? Je ne sais pas. Il est parti se cacher à San Francisco avec ses nouvelles conquêtes. J'ai peur, Léon. Je suis sûre que c'est Siqueiros qui est derrière tout ça. Il peut recommencer demain matin. Que vas-tu faire maintenant ? Je sais pas. Tu sais, ma Frida, chaque matin je dis au réveil à Natalia, encore un jour heureux. Nous sommes toujours vivants. Encore un jour gagné sur la mort. Pendant que l'enquête piétine, fidèles et sympathisants de Trotsky transforment la villa en bunker et le gouvernement mexicain triple le nombre des policiers qui la protègent. Malgré tout ce dispositif de protection, Frida est inquiète. À la mi-août, elle peut enfin lui rendre visite. Nazdrovia. Comme on est heureux de te voir, ma Frida. Mais moi donc, comme je regrette les premiers temps de votre venue à Mexico. Nos promenades, nos rires. Rien n'est perdu. Nous gagnerons. Je ne sais jamais quoi penser de l'optimisme de Léon. Après toute cette vie commune, je ne sais toujours pas s'il est naïf ou insubmersible. Je ne vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Je vais te donner un exemple, Frida. Tu te souviens du jeune Belge que tu as croisé à Paris lors de ton exposition ? Un Belge à Paris ? Tu nous avais raconté qu'il t'avait apporté un gros bouquet de fleurs. Oh ! Jacques Mornard. Jacques Mornard, oui. Eh bien, ce Jacques Mornard est venu me voir. Il nous a dit qu'il te connaissait. Oui. Plutôt sympathique, prévenant. Il ne me plaît pas du tout, ce garçon. D'ailleurs, il ne s'appelle plus Jacques Mornard, mais Frank Jackson. Oh. Tu trouves ça normal ? Il nous a expliqué pourquoi. Il a fui la Belgique avec un faux passeport, pour éviter le service militaire. Il nous l'a dit, il ne veut pas participer à cette tuerie. Et toi, tu te satisfais de ça ? Tu ne peux pas au moins faire une enquête. Vérifier qui il est vraiment. D'où il vient ? J'ai confiance en lui. Il veut nous aider à développer la 4e internationale. Il écrit des articles, dont un qu'il veut me faire relire. Où est le problème ? Ma dernière visite à Natalia et à Léon me laisse un goût de cendre dans la bouche. Je l'ai trouvé faussement optimiste, mon viejo. Et Natalia, si douce, si prévenante, comme si elle assistait au dernier jour d'un condamné. J'ai du mal à peindre. J'ai commencé plusieurs toiles que j'ai toutes laissées en plan. C'est mauvais signe. Je me remets à penser souvent à la mort. Trop souvent. Mes douleurs à la colonne vertébrale ont repris. Je vais aller à Frisco voir mon chirurgien pour qu'il m'opère. Ça fait trop mal. Comme ça, je verrai Diego, qui est toujours planqué là-bas avec ses deux putes. Et je lui demanderai qu'on se remarie. Avant, il faut que Léon vienne voir mes dernières toiles. Frida ne reverra plus jamais Léon. Le 20 août 1940, une troupe d'hommes armés fait irruption dans la Casa Azul. Frida est immédiatement arrêtée et conduite dans les locaux de la police secrète. Ça s'est passé aujourd'hui, en fin d'après-midi. Jackson, Mornard. Oui, vous le connaissez, je crois. Oui. Il s'est introduit dans le bureau de Trotsky. Il a dit qu'il voulait lui montrer un texte qu'il venait d'écrire. Et il lui a fichu un coup de piolet sur la tête. Et ? Ah, Trotsky s'est débattu. Il poussait des cris horribles. Et ? Sa femme et ses secrétaires ont accouru. Les gardes du corps ont jeté l'agresseur à terre. Ils l'ont défiguré à coups de crosse de revolver. Trotsky, lui, il avait la tête en sang. Mais il tentait d'expliquer ce qui s'était passé. Et ah oui, il a dit... Natacha, je t'aime. Ah, il a dit aussi... Il faut répéter à nos amis que je suis sûr de la victoire de la 4e internationale. En avant. Et ? Il est mort quelques heures plus tard. Non. Évidemment, ces connards m'ont relâché. Innocente, bien entendu. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas voulu me rendre aux funérailles de Léon. Il paraît que c'était impressionnant. Au moins 200 000 personnes. Des trotskistes, des catholiques, beaucoup d'ouvriers venus des mines et des champs pétrolifères, des va-nu-pieds, des hommes et des femmes en haillons, des paysans du Michoacán et de Puebla, pauvres, déshérités, venus de très loin. Quelques jours plus tard, le corps de Trotsky est incinéré dans la chambre de crémation du Panthéon et ses cendres enterrées dans la cour de la forteresse de l'Avenida Viena. Sur la tombe, on dresse une petite pierre blanche rectangulaire et au-dessus de cette pierre, on déploie un drapeau rouge. Jamais Frida n'oubliera son amant. La vie avec mon viejo, ça a été la période la plus heureuse et la plus féconde de mon existence. Vous savez, j'aime par-dessus tout faire l'amour, lire et peindre, bien sûr. Ces trois choses-là, je les ai faites et tellement bien avec Léon. Tout ça s'appelle vivre. Et vivre, c'est le but central de ma vie. Hermoso huipil llevabas, llorona que la Virgen te creí. Frida Kahlo et Léon Trotsky de Gérard de Cortanze avec Frida Kahlo, Olga Lorca, Léon Trotsky, Stefo Linard, Diego Rivera, Carles Romero Vidal, Natalia Sedova, Sonia Masson, André Breton, David Gouillet, Leandro Sanchez Salazar, Emmanuel Suarez, Bruitage Sophie Byzantz, prise de son montage et mixage Éric Boisset et Manon Houssin, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Sophie Haute-Picon. Vous écoutez France Inter. Dans quelques minutes, je reprends la discussion sur Frida Kahlo et Léon Trotsky avec mon invité Gérard de Cortanze. Tu détestes ta jeunesse, tes beaux cheveux blonds juvéniles qui descendent comme la vie près du mouvement de tes cils. Tu détestes ceux qui, grâce à l'amour, ne sont plus les mêmes. Tu préfères dire je t'aime à grands coups de bouquets de haine. Tu n'es pas certain d'être bien, mais jamais tu ne l'avoueras. Avoir des gestes qui font rêver, c'est tout ce qui compte ici-bas. Les magiciens des temps modernes savent bien comment mentir, comment fabriquer le beau en tuant quelques souvenirs. Tes amis sont bien, mais tu comprends le mal du grand savoir, que même ne pourraient goûter malgré leur force noire. Tous ensemble, vous jouerez sans malaise aux grands enfants blasés qui tanguent de la tête sur des rythmes fantomatiques saccadés. Tu repenses à tes amours, à tous ceux que tu as baisés, à quel point ils avaient l'air heureux d'avoir pu te consommer. Tu as pris un verre de trop, mais c'était pour équilibrer les sensations provoquées par tes rêveries colorées. S'étourdir est un remède facile quand l'âme a la nausée. Face aux complications répétées par la vie imposée, tu danses muet près de ton ami, celui qui sait te parler. De raisonner quand tes larmes reviennent au pas comme une armée, c'est le seul moyen que tu as pu trouver pour oublier le poids de la solitude qui revient sans cesse te hanter. Tu le sais pourquoi, mais même les mouvements dictés par ton cœur font que tu te sens abandonné au milieu de tes peurs. Crois-tu qu'un jour malgré tout tu seras capable d'aimer? Seul moyen possible de le savoir, c'est de recommencer. La science du cœur est un objet d'abstraction propulsé par la volonté qu'ont les gens tristes à se laisser toucher. Ça fait déjà 4 jours que tu n'as pas dormi. Dans ta tête, de la musique résonne, te réveille dans la nuit. si ta peine avait donné naissance à une symphonie. Est-ce là le signe annonciateur d'une prochaine folie? Tu repenses à ta grand-mère, tu dis qu'elle t'a vraiment aimé. Tu revois sa couche pleine venant tout juste de déborder. Le contraste est trop mince entre début et finalité. Mais tu te résignes sans peine devant cette fatalité. Tu regardes tes vêtements et cette image immaculée que tu projettes sans vouloir comme un jeune enfant surdoué. Tu te dis qu'un jour, c'est certain, tout ça sera démodé. Que chacun des trophées que tu portes brûlera dans l'éternité. Que ton corps devenu flasque et faible aura tout effacé. Les traces de ta jeunesse, les traces trop fragiles de l'été. Pierre Lapointe, La science du cœur sur France Inter, autant n'emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Julien Michel. Gérard de Cortanze, nous avons donc quitté Frida Kahlo en août 1940, quelques jours après l'assassinat de Trotsky à Mexico. L'homme qui a tué Trotsky de coup de piolet, c'est donc Jacques Mornard, alias Frank Jackson, alias Ramon Mercader. Il était bien envoyé par Staline. Ah oui, absolument. Et la rencontre entre Frida Kahlo et donc Mornard lors de cette exposition organisée par Breton et Duchamp. Donc ça, c'était avant. Ça, c'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'ils se sont croisés à Paris et elle le retrouve après au Mexique, mais il est bien envoyé par Staline, évidemment. Il vient de la guerre d'Espagne avec sa mère, hein. Ça remonte à loin, cette haine et cet engagement politique. Mais ce qui est étonnant, c'est Trotsky ne voit pas du tout, il ne le voit pas venir. Oui, alors qu'il est très méfiant, ça fait des années qu'il est en exil, qu'il est pourchassé, et cet homme qui arrive, il ne voit pas en lui un agent de Staline. Pas du tout, il le reçoit, il l'accueille, et sa femme... En revanche, comprend que quelque chose est en train de se passer. Il sera d'ailleurs, c'est une drôle d'histoire, il sera exfiltré par le biais de l'ambassade du Chili grâce à l'intervention de Pablo Neruda. D'accord. Et il sera exfiltré où? En Union soviétique, où il sera décoré. Et il finira sa vie à Cuba, je crois. Exactement. Tranquillement. Alors cette passion amoureuse entre Trotsky et Frida Kahlo, une passion qui est devenue une amitié d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a représenté pour le vieux révolutionnaire russe? Une espèce de bouffée de jeunesse? Pour les deux, c'était essentiel. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Trotsky qui arrive au Mexique, c'est pas du tout un vieillard chenu. Il a 57 ans. Comme le dit Frida Kahlo, il fait du cheval, il est très sportif, il a un certain charisme. Ce qui est étonnant, c'est cet homme donc de la Révolution d'Octobre, l'homme de l'armée rouge, de la terreur, qui a justifié la violence politique. Il arrive au Mexique, il fait la fête, il trouve ça très très bien, finalement, un pays où on peut faire ce qu'on veut, quoi. Oui, et c'est pour cela que sa femme le traite de bourgeois, parce qu'elle ne le comprend pas du tout. Il est totalement transformé, il est totalement envoûté par ce pays, d'ailleurs, qui est envoûtant, hein. Et Frida Kahlo est vraiment la représentante de toutes ces forces, de toute cette mythologie mexicaine, de toute cette présence mexicaine. C'est un pays qui est aussi en marche vers son futur, hein, puisque la révolution qui est terminée est encore là. Enfin, il y a encore les ondes de la révolution. Ça passionne totalement Trotsky. En 1940, Frida Kahlo a encore quelques années à vivre, mais sa santé va continuer à se dégrader. Est-ce qu'elle est enfin reconnue comme artiste à ce moment-là, au niveau international? À peine. À peine. C'est-à-dire que les expositions à l'étranger, il n'y en a aucune. Il y a eu celle quand même avec André Breton qu'elle va faire. L'exposition à Paris, André Breton, 39, elle vient avec 25 toiles et les surréalistes, de façon hallucinante, n'en expose que 7. Parce qu'il les trouve trop scandaleuses, les surréalistes. Crues et trop scandaleuses. En plus, c'est une femme qui a peint, il ne faut pas une femme qui parle de sexe. Ça ne se fait pas. Même les surréalistes n'acceptent pas cette chose-là. Ouais, c'est drôle ce passage justement que vous avez écrit, Gérard de Cortanze, sur André Breton. Elle le trouve complètement ridicule, très prétentieux. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses totalement vraies dans ce que j'ai écrit, notamment la lettre hallucinante de Trotsky. Je n'ai fait que reprendre les mots de Trotsky. Le vol des ex-votos dans l'église. C'est un vol qui a existé. Et c'est quelqu'un qui arrive quand même au Mexique et qui explique le Mexique à Frida Kahlo. Et qui lui dit, nous allons pouvoir vous accueillir dans ce grand mouvement qu'est le surréalisme. Mais le Mexique est intrinsèquement surréaliste. Frida Kahlo et les Mexicains n'ont pas besoin du surréalisme de cet Européen qui ne fera pas vraiment la révolution. Tandis qu'eux l'ont faite, la révolution. Et pour un Mexicain, la première grande révolution, c'est pas la révolution de 17. En Union soviétique, en Russie, mais bien entendu, c'est-à-dire que les Mexicains disent toujours aux Russes, mais c'est nous qui avons inventé cette révolution, vous n'avez fait que la reproduire. La reconnaissance artistique, Frida Kahlo, elle l'aura assez tard dans son pays, en tout cas, elle a sa première exposition, et la dernière d'ailleurs personnelle, c'est-à-dire consacrée uniquement à elle, sera donnée en 1953 dans une galerie de Mexico, et là on assiste à une scène incroyable, Frida Kahlo qui est très malade, qui peut plus bouger, est amenée dans une ambulance, déposée sur son lit à baldaquin pour le vernissage au milieu de tous les invités, c'est une scène hallucinante. C'est une scène de cinéma. On pense qu'elle ne va pas venir, elle est au fond de son lit, souffrante, et en fait elle arrive effectivement sur cette espèce de lit à baldaquin, et elle préside cette soirée, elle boit, elle chante, et c'est allongée, et c'est un événement national. Mais c'est la seule fois où vraiment ces toiles seront exposées avec un tel retentissement. Mais en même temps, aujourd'hui, l'artiste, c'est elle, plus que Diego Rivera, non? L'art qui va aller au-delà du temps. Absolument évident. C'est-à-dire que toutes les expositions qui ont lieu sur la peinture mexicaine en général, toute la communication, les affiches, sont faites autour de Frida Kahlo. Et le personnage qui fait des enfants, c'est-à-dire que des peintres ou jeunes se revendiquent. Ces peintres se revendiquent de Frida Kahlo et non plus de Diego Rivera. Diego Rivera est quand même important, c'est-à-dire, mais je crois que Diego Rivera appartient à l'histoire de la peinture mexicaine, à l'histoire mondiale, l'histoire du muralisme. C'est un moment de cette histoire. Frida Kahlo, sa vie continue. Et c'est pas uniquement parce que son image, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a eu une vie romanesque, parce qu'elle est partout dans des... Il y a eu un petit phénomène commercial aussi autour de son image. Mais son art va plus loin que ça, quand même. Ah, vous avez tout à fait raison. Et alors, c'est vrai que c'est devenu, pour schématiser, une sorte de pop star. Mais ça, en fait, on oublie parce que ce qui compte, c'est son art et son art reste. Et je pense que son art reste. Pourquoi? Parce qu'il touche directement le cœur des gens. C'est quelque chose qui ne passe pas par l'intellectualisme. Ça va directement, ça touche directement les gens. Et c'est pour ça qu'elle reste et qu'elle est encore aujourd'hui si importante. Merci beaucoup Gérard de Cortanze. Donc de vous sur Frida Kahlo, on peut lire Frida Kahlo, La beauté terrible et Les amants de Coyoacán, édité chez Albin Michel et disponible aussi en livre de poche. Je signale aussi votre dernier livre, Gérard de Cortanze, Laisse tomber les filles, ça n'a rien à voir, c'est toujours chez Albin Michel. Et à lire également Frida Kahlo, Je peins ma réalité de Christina Burrus dans la collection Gallimard Découverte. Auteur n'importe l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, rien à voir, nous partirons au XVIIIe siècle en compagnie de Voltaire. En 1734, les lettres philosophiques, son livre, vient d'être censuré. Voltaire, menacé d'être à nouveau embastillé, trouve refuge dans le château d'Émilie du Châtelet, femme scientifique, traductrice de Newton et grand amour de Voltaire. Voltaire et Émilie du Châtelet, une leçon de bonheur, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais bien sûr, dans quelques minutes, ne manquez en aucun cas Soro Solo dans l'Afrique en solo. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.